On vise une future, dans la culture. Fais-toi une tête sûre, sûre, sûre dans la culture. On vise une future, dans la culture. Je prends un bon, j'ai pris le clé du Pfizer. Je vais te le redire, je m'en bats les couilles de ta sœur. KTM ou BRTM, privé la main, on aura toujours un passeur. Je sais très bien, c'est donc comment gérer le guidon. Je me rappelle l'époque à la tour de Picon. Les nouveaux charbons, les essais au ballon. Ça fait les 100 pas pour mettre une salon. Ghetto, ghetto, on est bon. Pas parce que t'es un signe, tu prends pour Pablo. Oh my god, qu'est-ce que t'es pas bon. C'est y faire avec les comptes, les couilles à Toto. Tout à l'indé, la roue va tourner. Je suis un du seul à Marseille à venir comme ça. Prends ta signature, mets la toi dans le cul. J'étais jeune escaladé, je te voyais pas toi. La fusée a galéré. La fusée a escaladé. La fusée s'est débrouillée. La fusée revient de loin, tu sais qui on est. On est là, on vient du futur. On a 10 dans la culture. T'es recherché, fais-toi une teinture. Ture, ture dans la culture. On est là, on vient du futur. On a 10 dans la culture. T'es recherché, fais-toi une teinture. Ture, ture dans la culture. On est cagoulé, on va te mener la vie dure. On est cagoulé, on va te mener la vie dure. On est cagoulé, on va te mener la vie dure. On est cagoulé, on va te mener la vie dure. Elle a les yeux verts, lui, sur les gros pecs. Elle fait la star, elle sait pas laver la schneck. J'te mets des nuques et moi j'ai galéré, mec. Grand quartier, ok, t'es pas épais. Ça fait de longues peines, ça m'appelle un enterre. Me jaloux, ouais, j'arrive dans l'homicide volontaire. Je cagoulais parce qu'on a fait la guerre. Ça m'écoute à Marvel ou devant la vue sur la mer. J'étais un bon, mais tu m'as mis de déco. Et fais le signe vaillant, cambré sur la moto. Dis au patron d'additionner les zéros. C'est un légère avant ZW Xoxo. Dans 10 de, je me suis allé comme. Je sais très bien qu'on se verra jamais. T'as pas compris, encore la fusée.com. J'ai grandi avec des têtes cramées. La fusée a galéré.